Dans les précédents épisodes, on a évoqué l'incertitude pour nos expats français aux États-Unis, qui sont aujourd'hui incapables de se projeter sur une éventuelle visite en France. Les liaisons aériennes sont quasiment au point mort, de nombreuses frontières sont fermées, et le secteur aérien connaît certainement la plus grosse crise de son existence moderne. Pour en parler, Michel Polacco, expert en aéronautique. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Bonjour Michel Polacco. Bonjour. Merci de répondre à nos questions, Michel Polacco. Je tiens entre mes mains un très beau livre, Somme sur l'histoire de l'aviation, hein, qui est toujours disponible chez Grund. Oui. Vous êtes spécialiste hein, des questions d'aéronautique, ancien pilote professionnel également, d'avions et d'hélicoptères. Et on voulait avoir un peu votre avis sur la situation actuelle avec ce secteur qui est quand même particulièrement touché, et j'allais dire dès le début, puisque peut-être que le secteur aéronautique a été l'un des premiers touchés par cette crise du Covid. Bah, évidemment, si vous voulez, quand il y a une épidémie dans le monde, d'une manière générale, on ferme les frontières, on réduit le trafic, et donc ça a une influence sur le transport aérien, et par là même, ça a une influence sur le tourisme, une influence sur l'industrie aéronautique en général. Mais disons que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait connu était relativement, je dirais, marginal. Lorsqu'il y a eu le H1N1 ou lorsqu'il y a eu les quelques épidémies qu'on a connues au début du XXIe siècle, on a assisté à des baisses importantes du trafic dans les régions d'Asie, par exemple. Et donc, le trafic entre l'Europe et l'Asie, ou entre les États-Unis et l'Asie, était réduit. Mais bon an, mal an, à la fin de la crise, sur l'année, il s'agissait de 8-10% de baisse du trafic mondial au global. Donc, assez marginal. Et on arrivait... Comment ? Assez marginal, du coup. Alors, marginal, il ne faut pas exagérer, parce que le transport aérien, il gagne sa vie à peu près sur 1-2% de son chiffre d'affaires. Ouais. Donc non, ça a eu des conséquences, mais disons que ces conséquences ont pu être absorbées et que en fait, en très peu d'années, le transport aérien a repris sa progression et que on est passé comme ça en moins de 10 ans de 3 milliards de passagers à plus de 4 milliards de passagers au mois de janvier dernier, avec une trajectoire inouïe qui était une trajectoire de 5-6% de plus tous les ans. Et ça faisait quasiment 10 ans que ça durait. Et donc, avec des commandes d'avions absolument astronomiques, régulièrement réévaluées par les constructeurs, en particulier le groupe Boeing et le groupe Airbus, qui annonçaient dans les 20 ans 40 000 avions à livrer, et qui d'ailleurs, chaque année, livraient entre 800 et 1000 avions. Donc, on était dans un paysage absolument inouï, jamais connu en termes de progression. Et pourtant, on a eu des crises, mais rien à voir dans toutes ces crises. Et puis, ces crises se produisaient parfois à une époque où le transport aérien tenait une plus petite place. Ouais. Depuis la guerre de 39-45, personne n'a jamais vu le transport aérien traverser une crise pareille, ni pendant les guerres qu'on a connues, la guerre du Golfe, les guerres d'Irak, etc., les guerres ouais. d'Iran, enfin, toutes ces crises pétrolières, jamais on a vu une situation pareille. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est cataclysmique, non seulement pour les compagnies aériennes, mais pour tous les professionnels du tourisme et pour tous les industriels de l'aéronautique. On peut se poser vraiment des questions sur l'avenir du groupe Airbus et du groupe Boeing. Oui, alors justement, l'avenir qu'on entrevoit quand même de manière très sombre, vous parliez de cette hausse perpétuelle du nombre de passagers. Là, évidemment, il va y avoir un coup de frein et ça va être très difficile de réamorcer la pompe derrière. Alors, si c'était seulement un coup de frein, on pourrait presque dire « youpi ». Mais on n'est pas du tout dans un coup de frein. On est parti au mois de janvier de, on va dire, 4,5 milliards de passagers par an dans le transport aérien mondial. Et actuellement, on est à peu près à 1 milliard, c'est-à-dire uniquement les vols qui se produisent encore aux États-Unis, en Russie, dans quelques pays d'Asie qui ont réussi à préserver leur santé et la prophylaxie. Donc, si vous voulez, le transport aérien, en nombre de passagers, est divisé par 4 et en nombre de mouvements, il est divisé par un peu plus de 2. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais quand on va terminer le confinement, quand on va sortir de la crise qu'on connaît dans quelques mois, il va rester quand même la psychose du voyage en groupe, la psychose du rassemblement, les compagnies aériennes, pour certaines d'entre elles, n'auront pas survécu, les entreprises qui font du tourisme n'auront pas survécu, auront été obligées de se redimensionner, et donc, si vous voulez, quand on va ressortir de cette période, on pourrait dire probablement d'ici à la fin de l'année, on va se retrouver avec un trafic et un transport aérien qui aura été divisé par 2. Donc, si vous voulez diviser par 2, même si on reprenait une progression de 5% par an, ce qui arrivera sans doute, ce sera quand même très long de revenir à la situation antérieure et de revenir à une progression sur la base de la situation antérieure. Ça veut dire que les industriels, les sous-traitants, les petites compagnies aériennes et les millions d'employés qui travaillent pour tous ces gens-là sont en péril. Alors, toutes les compagnies aériennes ne sont pas forcément logées à la même enseigne. Là, on peut imaginer que toutes les petites compagnies à la santé fragile vont devoir déposer le bilan prochainement. Alors, on n'est pas vraiment dans une situation aujourd'hui où ce sont les santé fragiles qui vont tomber. Les compagnies dont on a vu qu'elles déposaient le bilan il y a 2 ans, 3 ans, l'année dernière, c'est des compagnies qui, dans l'immense partie de poker que représente le business aérien mondial, avaient pas bien joué, pas bien misé, et donc avaient perdu leur partie. Ouais, elles ont joué, elles ont perdu, tout simplement. Qui s'étaient terriblement endettées, alors que c'était pas du tout la chose à faire, et qui s'étaient endettées sur la base d'un trafic qu'elles espéraient capter chez d'autres et qu'elles n'ont pas réussi à capter. Donc c'était un combat entre eux, des petits, des grands, un combat entre des titans et des challengers, et parfois entre les challengers eux-mêmes. Là, c'est différent. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Lufthansa, qui est en très bonne santé, a décidé de diviser par 2 sa flotte d'avions lorsqu'elle va reprendre son activité dans les semaines, mois qui viennent, quand vous voyez qu'une compagnie comme Air France va probablement diviser également par 2 sa flotte, quand vous voyez que la compagnie Emirates, qui est un fleuron mondial admiré pour sa réussite, etc., a annoncé l'annulation de 150 Boeing 777, qui sont avec l'Airbus 380 les avions les plus chers du monde, et ils annulent 150 commandes, ce qui est astronomique. Donc si vous voulez, on voit bien que les géants se retrouvent eux-mêmes avec des pieds d'argile. Ils vont être obligés de réduire la toile, et vous savez que quand les riches ou les géants sont obligés de réduire la toile, et ben c'est les pauvres qui payent. Donc ça veut dire que les compagnies secondaires, tertiaires, vous voyez, Lufthansa a annoncé la fermeture de Germanwings, ouais. Et tout un tas de groupes comme ça, scandinaves, etc., ont annoncé la fermeture de compagnies qui jusqu'ici étaient destinées à prendre des risques pour aller conquérir des nouveaux marchés, et qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Donc voilà, la situation est très critique pour tout le monde et pas uniquement pour les fragiles. Alors, vous le voyez comment l'après pour les compagnies aériennes? Est-ce qu'on va se retrouver peut-être comme dans les années 80 avec une grande compagnie par pays? Non, je ne crois pas qu'on va retrouver des modèles tels qu'on les a connus il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a peu de raisons pour que ça se passe. Et même en France, où on tombe toujours dans... le retour au passé, parce que c'est la seule chose à laquelle on sait se raccrocher. Ouais, on parle tout de suite de nationalisation, par exemple, pour voilà, si vous voulez, disons que la seule chose qu'on a, le seul mot qu'on a à la bouche, c'est nationalisation. Mais nationaliser une entreprise, ça lui fait pas faire des bénéfices. Ouais. Ça lui fait pas gagner de l'argent. Ça veut simplement dire que le contribuable va lui apporter des sous. Or, aujourd'hui, la compagnie Air France, par exemple, puisque c'est d'elle qu'il était question, le fait de la nationaliser, ça change rien du tout. Déjà, sa gouvernance, c'est l'État français qui la gère depuis toujours, même dans la situation de privatisation actuelle dans laquelle l'État possède environ 15% des parts. Mais de toute façon, ce qu'il faut pour les compagnies, ce qu'il faut pour les transporteurs et en cascade pour les constructeurs et pour leurs sous-traitants, ce qu'il faut, c'est ramener les passagers dans les avions, y compris pour les entreprises de tourisme. Et pour ramener les passagers dans les avions, il va falloir rétablir la confiance, faire disparaître la psychose Et aujourd'hui, on est dans une atmosphère de psychose mondiale, et cette atmosphère de psychose n'est absolument pas favorable à rouvrir les activités touristiques et donc le transport aérien. Les entreprises vont avoir du mal à ramener les gens au boulot et elles vont faire pour beaucoup du télétravail. Les entreprises du tourisme vont avoir du mal à remplir des avions pour arriver à amener des gens dans des lieux touristiques. Dans beaucoup de pays comme la France, par exemple, la plupart des lieux touristiques restent fermés pour longtemps. Les bistrots vont rester fermés, les restaurants vont rester fermés, les manifestations qui attiraient du monde sont supprimées. Pourquoi les gens feraient-ils du tourisme à partir du moment où il n'y a rien à regarder, ouais, et où il n'y a rien à manger, si vous voulez? Quand je dis rien à manger, je veux dire les sorties, etc. Bien sûr. Ouais. Donc, si vous voulez, la reprise, d'après les spécialistes qui connaissent assez bien cette économie, risque de durer de longs mois. On table sur 18 mois à 2 ans pour avoir une reprise de la croissance et pour revenir à des chiffres à peu près supportables pour l'économie des compagnies, dans leur nouvelle configuration, c'est-à-dire après s'être redimensionné. Et donc, ça veut dire qu'on va beaucoup souffrir dans les 2 ans qui viennent avant de recommencer à avoir des lueurs d'espoir. Est-ce que les prix des billets vont augmenter aussi ? Il est bien évident qu'aujourd'hui, on voit des compagnies aériennes que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, qui remplissent des avions à 30 ou 35%. Il est bien évident que chaque vol coûte de l'argent. Donc la finalité d'une compagnie aérienne, c'est pas de promener des avions vides pour perdre de l'argent, parce que l'argent de ses actionnaires, il y a un moment où il n'y en a plus. Donc il est bien évident que l'influence des low cost qui a été très bénéfique pendant 20 ans, 25 ans sur le transport aérien risque d'être beaucoup moins importante. On voit d'ailleurs que des compagnies comme Ryanair, EasyJet sont des compagnies qui se redimensionnent également, qui donc vont être obligées d'avoir une politique tarifaire beaucoup moins agressive et beaucoup plus réaliste. Et donc ça veut dire que les compagnies traditionnelles elles-mêmes vont cesser la guerre des prix, ou en tout cas, si elles ne la cessent pas, elles vont la continuer, mais à un niveau plus élevé. Donc il est bien évident que c'est peu probable qu'on continue à trouver des billets d'avion à 1 euro. Ouais, c'est la fin des bons plans. Bah, pour un certain temps, vous savez, ouais. La vie c'est comme ça, ça va, ça vient. Le problème c'est que dans le transport aérien, les cycles sont très longs. Former des pilotes, former des mécaniciens, former des ingénieurs, c'est des années. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on va démonter tout ce système et on va en réduire les effectifs, les entreprises, enfin, on va réduire la toile probablement d'environ 50%, 40%, etc. Et bien, une fois que tout ça, ça va être démonté, il va falloir voir combien de temps on va mettre pour le remonter. Et ça va être long, faut pas se faire d'illusions. Ça va être long, c'est pas possible de faire ça en 8 jours. Ce serait une chance inouïe que d'un seul coup, tout reparte comme en 14, vous voyez. Ça paraît pas vraiment possible. Merci beaucoup en tout cas, Michel Polaco, de nous avoir éclairé avec votre analyse de la situation actuelle. Alors, vous n'êtes pas pessimiste, mais vous dites quand même que ça va être très très difficile pendant les prochains mois ou les prochaines années. Ouais.